Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons poursuivre l'émission sur un thème à cheval entre la technologie et la nature. Depuis des siècles, la nature est une source remarquable d'inspiration pour les inventeurs. Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur, enseignait d'ailleurs Léonard de Vinci à ses élèves. Et ce génie s'inspirait du vol des oiseaux pour esquisser les dessins de ces machines volantes. Et 500 ans plus tard, l'imitation de la nature pour développer de nouvelles technologie est à son apogée. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme et c'est ce que nous allons découvrir avec Adèle Mazurek. Bonjour Adèle. Bonjour Valérie. Alors dis-moi Adèle, pour commencer, qu'est-ce qui se cache derrière le mot biomimétisme ? Alors le biomimétisme vise à essayer de copier des organismes naturels pour créer des innovations technologiques. Donc il ne s'agit pas de mimétisme en tant que tel, autrement dit copier sans comprendre le mécanisme sous-jacent. Je vais prendre un exemple très simple. Quand les hommes se sont inspirés des oiseaux pour créer les premières machines volantes, ils se sont contentés de copier les battements d'ailes. Mais cette solution mimétique n'a pas permis de voler. Alors le biomimétisme vient du grec bios, vie, et mimesis, imitation évidemment. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment de tenter de décrypter les mécanismes sous-jacents et de reproduire rigoureusement une solution observée dans le monde vivant. Alors, pour revenir à mon exemple des oiseaux, les ingénieurs ont alors décortiqué le mouvement des ailes des oiseaux et à partir de là, identifier les mécanismes qui leur permettaient de voler et inventer de nouvelles techniques. Donc, il ne s'agit pas d'une science particulièrement jeune, puisque tu parlais de l'invention de l'avion. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient de déboucher, d'arriver dans les 10 dernières années. Non, en effet, ce n'est pas une nouvelle science. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, c'est vraiment d'actualité. Mais comme on l'a vu, l'avion est l'un des premiers objets issus du biomimétisme. Alors, un autre exemple assez connu, le Velcro. Alors, c'est dans les années 40 que l'ingénieur suisse Georges de Mestral est intrigué par des particules d'une plante, donc la bardane, qui restait accrochée à son pantalon à chaque retour de partie de chasse. Bah oui, on connaît tous ça, des petites particules qui restent sur nous, là, accrochées, oui. Ou d'ailleurs, il a observé ça aussi sur les poils de son chien, donc ça l'intriguait. Ouais. Donc, il a décidé d'observer ces petites particules au microscope et il a remarqué qu'elles étaient pourvues de minuscules crochets. Et pour lui, ce fut une source d'inspiration pour créer le système d'attache qu'on le connaît bien évidemment aujourd'hui, qui est utilisé dans plein sur les vêtements, les chaussures, etc. Alors, pour la petite histoire, je ne sais pas si tu savais, le vel vient pour le velours et puis cro pour crochet, ça a donné velcro tout simplement. Ben oui, puis donc velcro n'est pas le nom de l'inventeur d'ailleurs. Non, du tout. c'est plus original que ça. Donc Adèle, il doit y avoir plein d'autres propriétés dans la nature qui peuvent inspirer les chercheurs. Est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Donc oui, donc autant le végétal que les animaux peuvent donner des inspirations aux chercheurs. Donc notamment certaines substances produites par les animaux. Alors la première qui me vient à l'esprit et qui est le fruit de nombreuses recherches, c'est le fil de soie des araignées. Donc il a la particularité d'être plus résistant et plus souple que l'acier, donc ça peut offrir de nombreuses opportunités. Alors les scientifiques évidemment tentent de reproduire ces propriétés-là et ils y voient déjà l'occasion à long terme évidemment de créer des pare-chocs pour les voitures, donc assez étonnant quand même. Des gants de sécurité et même, pourquoi pas, des gilets pare-balles. Ouais, ça montre qu'il y a une certaine résistance avec le fil de soie. Oui. Donc, on a des applications dans l'aviation, dans l'automobile, la sécurité. Est-ce qu'on peut aussi penser, par exemple, à des applications dans le domaine médical ? Oui. Alors, justement, la moule bleue qu'on retrouve au Canada sécrète une colle qui lui permet de s'attacher à n'importe quel substrat. Alors, dans l'eau salée, évidemment. Mm-hmm. Et puis également, lorsque la mer est agitée, donc c'est une colle qui tient quand même assez fort. Ouais. Donc, actuellement, il y a des laboratoires qui développent des produits inspirés de cette colle de la moule bleue qui va permettre de ressouder les os ou des dents cassées. Mais les chirurgiens, les ophtalmologistes ou les dentistes aussi sont très intéressés par cette propriété parce que ça permettrait, avec un adhésif de ce type-là, de réparer des lésions organiques dans un milieu vivant. Et il faut savoir que dans le milieu vivant, il y a comporte en fait beaucoup d'eau salée. Donc, nos larmes sont salées, notre c'est milieu. Ça. C'est ça, oui, exactement. Donc, on voit que les plantes se sont inspirées les chercheurs se sont inspirés des plantes. Voilà ce que je voulais dire. Des araignées, des moules bleues. Est-ce qu'ils se sont inspirés d'autres animaux ? Est-ce que d'autres animaux ont pu servir de modèle ? Les oiseaux, Donc oui. C'est une bonne source d'inspiration. Il y a eu pas mal de choses qui ont été créées en les observant. Alors notamment le pie vert qui a un comportement assez étonnant. Tu as déjà dû observer ça. Là, il tape sur les troncs d'arbres avec son bec, donc à raison de à peu près 20 fois par minute quand même, pour faire sortir les vers de terre qui s'y cachent. Et les chercheurs se demandaient, mais comment leur cerveau n'est-il pas endommagé en tapant comme ça? Il y a un commotion cérébrale là-dedans. C'est ça, nous, si on faisait la même chose, on aurait vraiment notre cerveau dans un pitoyable état. Donc, ils ont étudié le pie vert, et en réalité, ils ont remarqué que le bec est séparé du crâne par un tissu spongieux qui va finalement absorber les chocs. Alors, qu'est-ce qu'a apporté cette découverte? Ben, un étudiant en design s'en est inspiré pour créer un casque de vélo, donc avec ce tissu, et également il en a profité pour faire un casque en carton recyclé. J'imagine que cet étudiant était cycliste. Oui, je pense, ouais. Alors pour rester dans les oiseaux, il y a aussi la forme du bec de certains oiseaux qui peuvent inspirer les ingénieurs, alors comme le martin pêcheur. C'est le cas des ingénieurs qui ont conçu le TGV japonais Shinkansen 500. Ils lui ont donné au nez de la locomotive cette forme de la tête et du bec du martin pêcheur. Alors, c'était pas pour des raisons esthétiques. Ah ouais. C'était vraiment pour essayer de rendre... D'améliorer l'aérodynamisme. C'est ça, tout à fait. Et donc, le résultat est plutôt positif. La vitesse du train est augmentée de 10% et pour 15% d'économie d'énergie quand même. Donc. Ça vaut le coup de s'inspirer de la nature. C'est ça. Et quand on parle de technologie, quelles prouesses techniques ont pu être produites encore grâce au biomimétisme? En ce moment, on entend beaucoup parler de drones dans l'actualité. C'est vrai, oui. Et justement, la technique de vol des insectes, comme les libellules, les papillons ou aussi les abeilles, ont inspiré les ingénieurs qui travaillent actuellement justement sur de nombreux projets de mini-drones. Alors, cette technique serait moins coûteuse en énergie en s'inspirant de cette technique de vol. Elle permettrait aussi aux mini-drones de voler à faible vitesse, de pouvoir faire des virages brusques, et ce qui peut être intéressant aussi, de pratiquer du vol stationnaire. Donc des engins plus maniables finalement. C'est ça. Ouais. Donc tu l'as évoqué tout à l'heure avec d'éventuels gilets pare-balles en soie d'araignée, mais est-ce qu'on peut penser que certains projets de biomimétisme iront encore plus loin et seront développés à des fins militaires? Alors, probablement qu'il en existe déjà et qu'on ne le sait pas forcément, mais j'ai quand même trouvé des informations concernant un robot qui s'appelle Cheetah. Donc, comme son nom l'indique, c'est un modèle morphologique du guépard. Alors, il s'agirait du robot le plus rapide du monde conçu à l'heure actuelle par des ingénieurs du MIT. Donc, il pourrait aller jusqu'à 45,5 km par heure. Apparemment, c'est assez énorme pour un robot. Et pour l'instant, ses prouesses sont atteintes uniquement sur tapis roulant. Ah, il n'aura peut-être pas toujours un tapis roulant sous ses pieds, ce cheetah, mais c'est un début. Et alors, on voit aussi que les exemples de biomimétisme sont nombreux et surtout très variés. On ne pourrait évidemment pas passer tous les exemples en revue, mais histoire de satisfaire encore notre curiosité, on pourrait terminer cette chronique par quelques exemples particulièrement remarquables. Oui, alors c'est dur de faire un choix parce qu'ils sont tous assez étonnants en général. Alors, il y a le principe d'autorotation de l'hélice d'hélicoptère. Donc, c'est un mécanisme qui permet à l'hélicoptère de descendre et d'atterrir sans dommage en cas de panne du moteur. Alors, ça a été inspiré par les graines d'érable, les samars, qui, en tombant, effectuent une rotation très rapide, mais atterrissent tout en douceur, en fait. Si on repense au Concorde aussi, qui avait un nez assez particulier, qui s'abaissait au décollage et à l'atterrissage pour dégager le champ de vision du pilote. Alors, comment ils ont eu cette idée? Bah, apparemment, ils ont été inspirés par le nez du dauphin. Alors, je sais pas d'où leur est venue cette idée. Ouais. Et puis, je vais terminer sur une étonnante invention. Donc, c'est une société californienne qui a découvert un procédé de fabrication d'écran plat qui est incroyablement précis et multicolore. Alors, c'est assez étonnant, comme je disais tout à l'heure, parce qu'ils sont inspirés des ailes de papillons pour inventer ce nouveau procédé. Alors, ces ailes, elles ont la particularité, malgré l'absence totale de pigments colorés, d'avoir des ailes aux couleurs éclatantes, et apparemment ils sont inspirés de ça La position des écailles les unes par rapport aux autres, ils ont dû analyser ça, essayer de recopier ça pour Mais en tout cas ils ont réussi. Comme quoi la recherche sur les insectes peut mener loin. Oui. Donc, c'est pas insignifiant d'étudier les insectes. Merci beaucoup, Adèle. Merci. Et pour poursuivre sur ce thème du biomimétisme en musique, on va se projeter dans la musique, dans le futur, et se poser la question jusqu'où la technologie se sera calquée sur la nature. Est-ce que les robots ressembleront aux hommes? Alors, voilà une chanson qui nous donne un avant-goût de la transformation des robots en êtres quasi supérieurs. On écoute L'homme pressé de Noir Désir, et vous êtes bien sûr sur CKRL au 89.1.